Quand le doute s'installe, des moments de silence, le silence s'installe. S'installe et laisse l'esprit s'interroger. S'interroger sur une pensée qui nous fait douter. Douter de quelque chose et de quelqu'un. Quelqu'un qui, par son silence, nous donne une impression. Impression d'être mis de côté. Mis de côté pour une raison inconnue. Raison que l'on cherche, chercher pour trouver une solution. Une solution, mais à quoi? À un doute, peut-être sans raison. Un doute qu'il faut faire disparaître.